toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulé « Travaux en tout genre ». En effet, l'été, c'est souvent favorable aux travaux routiers. D'ailleurs, on se demande toujours quand les agents des services publics et puis également, bien sûr, des entreprises peuvent prendre des vacances, hein, parce que juillet, août, c'est très favorable à des travaux. Et que peut-on dire ? Ben, les aménagements urbains et routiers suscitent souvent la polémique, et à juste raison. Les promoteurs de ces aménagements semblent ignorer ce qui est fonctionnel. Échafaudent des plans à partir de normes dont eux seuls maîtrisent les données. Données particulièrement obscures pour le commun des mortels, puisque défiant les logiques les plus élémentaires. Il suffit pour s'en convaincre de subir les embouteillages provoqués par le trop fameux rond-point dit de la filature. Bonjour, la pollution urbaine, l'installation d'un centre commercial et d'appartements au milieu du dit rond-point semble une ineptie au regard d'un nœud de circulation particulièrement dense au carrefour de deux vallées. De même, d'autres aménagements urbains ne manquent pas de susciter l'incompréhension, voire la colère des automobilistes. Pour exemple, non exhaustif bien entendu, l'obligation de se garer en marche arrière en bloquant momentanément la circulation, bonjour là encore la pollution urbaine, plutôt que d'installer un sens de circulation direct entre deux voies. Pour exemple encore, les gigantesques pots de fleurs, pardon, je devrais dire les espaces floraux, qui gênent la vue et augmentent le risque de collision. Remiremont n'a donc pas échappé à cette logique d'aménagement plus que contestable autant que coûteux. Si encore ces aménagements ne faisaient que contrarier les automobilistes et facilitaient la vie des piétons et des cyclistes. Tel n'est pas le but recherché par ces techniciens pour qui le fonctionnel est le moindre souci et dont sont également victimes ceux qui se déplacent sans motorisation. Pas de pistes cyclables sécurisées et lorsque des zones 30 existent, leur matérialisation est plutôt aléatoire et les piétons sont peu ou prou respectés. Vous me direz que la critique est facile, certes, mais un aménagement urbain ou routier mal conçu suppose des travaux afin de rendre la vie des usagers plus facile. C'est souvent aussi un coût supplémentaire et de toute façon une source de conflit entre élus et population. Les erreurs se payent souvent dans les urnes au moment d'élections locales. Les élus se retrouvent pris à partie par leurs administrés, alors même que leur responsabilité peut être relativement limitée dans ces travaux. Mais ceux qui ont une responsabilité politique ne doivent-ils pas donner l'exemple afin d'éviter la mise en œuvre de projets insensés défiant souvent le bon sens ? Réalisation grandiose et coûteuse, inadaptée à l'usage que l'on veut en faire, dont l'esthétisme est quelquefois aussi contestable. Il est particulièrement navrant de constater le peu de crédit qui est accordé aux mouvements associatifs, y compris des quartiers concernés, lors de nouveaux aménagements. Beaucoup de nos concitoyens soulignent le mépris manifesté par ces technocrates de l'aménagement envers les populations, voire envers les élus. Là encore, les exemples ne manquent pas d'imprévoyance où la sécurité a été négligée. Exemple, là encore non exhaustif, le rond-point gigantesque de Rupt sur Moselle, sur la N66, il a fallu combien d'accidents pour que l'on se décide à la sécuriser. Certains endroits de Cassis et d'Audane qu'il a fallu supprimer, afin de permettre aux riverains de retrouver un sommeil paisible. Les bordures de trottoirs agressives, qui gênent pour un stationnement fonctionnel et obligent à des manœuvres bloquant la circulation. Là encore, bonjour la pollution urbaine. Les accès à des parkings qui coupent les voies de circulation, alors que le stationnement pourrait être plus facile par un accès direct, évitant là encore des pollutions urbaines. et une consommation de carburant inutile. Chacun d'entre nous a à l'esprit des exemples d'aménagements contestables et coûteux, surtout s'agissant de parking. Pas étonnant que les automobilistes désertent les commerces des centres-villes et vont vers les supermarchés périphériques, à cause du problème de stationnement bien entendu. Celui-ci s'avérant en plus de plus en plus coûteux. Le stationnement, bien entendu. Pour ce qui est des parkings à vélo, autant ne pas les évoquer, parce qu'ils brillent par leur absence. Certes, il est louable de limiter la circulation automobile au centre-ville. L'automobile, même électrique, est source de nuisances, de bruit et d'énervement, voire de conflits entre usagers de la ville. Mais encore faudrait-il développer les transports en commun, y compris dans le domaine urbain. Comment ne pas s'émouvoir de l'absence de transports en commun sur l'ensemble de l'agglomération Remiremont, Saint-Étienne, Saint-Amé, Saint-Amand, Dommartin. À l'exception, bien sûr, à Remiremont, des navettes les jours de marché. Décidément, il serait temps que l'on prenne en compte les besoins des uns et des autres, dans l'objectif de revitaliser les centres-villes et villages, et d'éviter des aménagements coûteux et peu fonctionnels. Mais aussi et surtout, éviter des centralisations et recentralisations des services dits publics, qui désertifient de plus en plus l'espace rural, éloignent l'usager, le citoyen, rebaptisé client, des centres de décision. Je terminerai cette chronique en déplorant la façon dont sont structurés les travaux urbains ou routiers et l'installation de déviations dont l'incohérence et l'imprécision est manifeste. Il y a quelques années, j'ai cité l'exemple d'un automobiliste parisien qui désirait se rendre à Basse-sur-le-Rue, détourner son itinéraire pour les travaux de le syndicat, obligé de bifurquer vers Gérardmer, perdu du côté des Barrues, puis égaré à la Bresse après le franchissement du col de Grosse-Pierre. Et pour finir, eh bien, se retrouver derrière les travaux du syndicat, éberlué par ce qui lui arrivait des vacances absolument inoubliables pour lui. Pour ce Parisien qui est arrivé à destination bien après la nuit tombante, je pense qu'une telle situation ne devrait pas se renouveler au risque de ternir la réputation des Vosgiens. Mais lorsque je constate la façon dont est gérée les déviations mises en place dans mon village à l'occasion des travaux d'assainissement, je pense que rien n'a changé et que l'approximation, voire l'incohérence, est en perpétuel renouvellement, sans parler des interrogations que suscite le déroulement de certains travaux et la gêne prolongée pour les habitants de la commune qui sont concernés. De quoi méditer au cours de cette journée, que je vous souhaite un meilleur possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.